Et voilà, j'ai fait déjà une boulette. Alors je disais bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo pour cette nouvelle édition de l'heure de Lyon, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Pour l'émission de ce soir, je l'avais déjà annoncé sur la page Facebook et aussi dans mon émission du vendredi. Excusez-moi, on va parler de bien-être, on va parler de magnétisme avec Jean-Paul Burlet qui avec... qu'il est là avec moi ce soir. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Lou. Alors, je suis désolée, j'ai la gorge un peu prise là dans les deux, trois dernières secondes. Mais on va comme d'habitude, hein, commencer à présenter ton métier, à aussi présenter ton approche du métier. Alors, dis-moi Jean-Paul, depuis quand tu es magnétiseur? Et quand je dis magnétiseur, je vulgarise parce que on le verra dans l'émission, tu as beaucoup de capacités. Oui, merci. Oui, ben, dans un premier temps, ce n'est plus un métier, c'est devenu une passion. Ensuite, ben, un peu plus d'une dizaine d'années, on va dire 12 ans, avec lequel ben, j'ai commencé à travailler en réflexologie globale, donc avec des points d'acupression, avec ce qui est médecine traditionnelle chinoise, donc hygiène de vie, tout ce qui va être l'alimentation, et puis bien évidemment, ben, tout ce qui va être émotionnel, psychologique et autres. Donc ça c'est voilà globalement pour faire une première entrée en matière. D'ailleurs tiens, s'il y a aussi quelque chose qu'on va essayer une première fois que tu m'as suggéré, on va essayer de mettre une musique douce en fond pour eh bien pour poser un petit peu le cadre de l'émission. Donc on va s'écouter des morceaux tout au long de l'émission de l'artiste Deva Premal, en espérant que ça vous plaise, en espérant que ça pose un petit fond sonore agréable. Voilà, je suis un petit peu en test là, c'est une, c'est une nouveauté. Oui, ça me semble parfait. C'est une petite nouveauté. Et donc, oui, Jean-Paul, ça fait combien de temps en fait que tu fais dans les médecines douces en général? Médecine douce, j'ai commencé il y a 12 ans. Et qu'est-ce qui t'a décidé en fait à te former dans les médecines douces? Bien, suite à divers métiers, je me suis lancé dans l'accompagnement des personnes âgées en créant une entreprise d'aide à domicile, d'aide service à la personne, avec les agréments qu'il fallait quand j'étais dans la Meuse. Et ensuite, je me suis aperçu bien, que beaucoup de personnes âgées restaient quand même un petit peu sur le côté avec des manques de conseils, entre parenthèses, un accompagnement. Et j'ai donc décidé de faire une formation de réflexologie globale, c'est-à-dire, comme je l'ai précisé tout à l'heure, donc tout ce qui va être médecine chinoise. Et donc, j'ai commencé cette démarche. Donc, j'ai fait une formation pendant un an, plus beaucoup de recherches, beaucoup de travail personnel. Et j'ai commencé à mettre tout ça en place chez les personnes âgées qui étaient OK ben pour écouter ce que je leur proposais. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Mais maintenant, tu as étendu ta clientèle. D'ailleurs, avant qu'on aille plus loin, j'ai une auditrice qui s'est manifestée, Zalveig d'Alsace, qui nous dit qu'elle est là. Donc, on est très contente de savoir que le Haut-Rhin nous écoute. Hein. Bonsoir à toi, Zalveig. Bonsoir. Donc, on disait, oui, tu as commencé avec le troisième âge. Et ça a évolué. Et qu'est-ce qui a fait qu'après, tu t'étendes au-delà? Parce que là, tu touches tous les âges. Et j'ai vu aussi un petit peu sur ton site internet, on en parlera, tu t'occupes aussi des animaux. Je m'occupe également aussi des animaux quand les maîtres veulent une aide, on va dire, bien spécifique. bien souvent c'est pour couper, on va dire, certaines choses sur les animaux, donc comme couper le feu par exemple, quand il y a des gros problèmes de peau, d'eczéma, des choses comme ça. Pour en venir au service à la personne, j'ai arrêté le service à la personne avec ma réflexologie parce que j'ai eu des petits conflits, on va dire, administratifs, dans la mesure où la réflexologie n'était pas reconnue par l'administration il y a une époque. Et puis donc j'ai fait un choix de continuer moi à aider les gens qui viennent me voir en cabinet. Donc j'étais dans la Meuse et sur Nancy, donc j'alternais les deux cabinets. Et donc j'ai travaillé donc en réflexologie pure et dure. Donc j'accompagnais beaucoup de personnes et j'ai laissé tomber tout doucement le service à la personne dans la Meuse. Et qu'est-ce qui t'a d'ailleurs amené jusque dans les Vosges, si tu es de la Meuse à la base? Moi je suis originaire des Vosges, je suis originaire d'Épinal. Alors j'ai bourlingué pas mal, donc j'ai fait quelques régions de France, et puis comme je suis en retraite, on va dire, entre parenthèses, eh bien, j'ai décidé de revenir dans mes Vosges natales, parce que c'est un beau pays déjà, et puis ensuite c'est quand même une terre qui est puissamment vibratoire et qui apporte de belles choses, de belles énergies en fonction des endroits où on se trouve. Et d'ailleurs, j'imagine que c'est avec le temps, comme tu le disais, que tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas que les médecines traditionnelles pour traiter les maux. Ça a commencé par quelle médecine douce, en fait ? La médecine douce, bien c'est combiné, en fait. C'est la réflexologie, c'est toucher les gens, c'est faire des points. Quand je dis toucher, c'est toucher... avec les pouces, avec des points d'acupression, hein. C'est-à-dire envoyer d'énergie sur certains points d'acupression qui correspondent à des organes, bien évidemment, et qui vont réactiver, qui vont renforcer ces organes. Parce que la maladie vient par les organes, effectivement, par des formes pensées qui sont négatives, et ces formes pensées vont atterrir sur tel ou tel organe. Donc à partir du moment où on va stimuler un organe, on ne va pas stimuler directement l'organe sur lui-même, on peut le faire avec le magnétisme, avec l'imposition des mains, mais on peut surtout stimuler ces points de réactivation, ces points d'acupressure avec les pouces, mais ce sont des points aussi d'acupuncture, qui correspondent à l'acupuncture chinoise. Mais dis, pour savoir tout ça et pour pouvoir nous le transmettre, tu as, j'imagine, dû suivre une formation, ou plusieurs, vu qu'on va le voir, tu en fais des choses. Ben, j'ai appris, oui, effectivement, j'ai fait plusieurs formations. Donc, dans un premier temps, c'était l'école l'EDRA, c'est-à-dire une école de réflexologie, d'aromathérapie, qui était à Nice. Donc, de là, bien après, au bout d'un an, j'ai suivi d'autres cursus, des petites formations sur les sons, sur les couleurs, qui nous en apprennent encore plus sur les organes, sur les ressentis. Et ce qui est surtout très important, c'est le ressenti que l'on a. Quand on voit la personne, on arrive au bout d'un certain nombre d'années à voir où se trouve le problème en fonction de son comportement, de la position qu'elle prend, de ses mimiques, on va dire. Et puis, au niveau de ses comportements, bien on sait tout de suite vers quel organe on doit se diriger principalement dans un premier temps. Donc ça, c'est comme on l'a vu, tu as commencé à apprendre, hein, et comme on le dit, ça fait 12 ans que tu es dans le métier. Donc tu as aussi appris différentes techniques, d'ailleurs actuellement, pour faire un petit listing, quelles sont les différentes médecines douces que tu emploies? Comme je le précisais tout à l'heure, donc il y a eu la formation avec les couleurs, avec les sons, donc qui vont agir sur les organes, qui vont agir par fréquence en fait, en hertz. Ensuite, j'ai eu une petite formation sur les aimants, puisque notre corps est polarisé de plus et de moins, de multiples points positifs et négatifs. Donc les aimants vont soit détendre un organe, soit l'activer. Ensuite, il y a eu aussi des formations d'EFT, c'est-à-dire Emotional Freedom Technique, c'est-à-dire ce sont là aussi des points d'acupression, où l'on va, c'est des séries de points d'acupression, en fait, que l'on va stimuler avec un doigt, en tapotant, et pendant que la personne parle. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la personne parle, elle va débloquer des schémas sur tel et tel organe. Et donc, en tapotant ces points avec le doigt, on va réagir sur le foie, sur l'estomac, sur la rate, ou sur le cœur, ou ainsi de suite. Donc ces points, évidemment, vont libérer... Ces tapotements vont libérer l'organe, et il va y avoir évidemment des émotions, il va y avoir une libération. Ensuite, j'ai appris aussi tout ce qui était... les séries numériques de Grigory Grabovoy, c'est un russe qui est un guérisseur, qui a commencé à créer ces séries numériques bien, pour aider au niveau matériel, au niveau aviation, puis ensuite bien, surtout au niveau humain. Et ces séries numériques sont très puissantes quand elles sont faites correctement, eh bien, pour résoudre des problèmes de santé, pour résoudre des problèmes de comportement, pour résoudre des problèmes psychologiques. Et j'ai fini par l'aromacologie. L'aromacologie, eh bien, c'est sentir les fragrances des huiles essentielles, c'est-à-dire les odeurs des huiles essentielles directement dans le flacon. Et quand on ressent quand on sent ces huiles essentielles, elles vont nous apporter certaines choses. Certaines huiles vont rien apporter, parce qu'elles ne vous correspondent pas, mais d'autres huiles vont vous apporter des souvenirs d'enfance, vont vous ramener des odeurs, et vont vous ramener sur un choc émotionnel, ou un trauma émotionnel. Et bien souvent, ça se situe entre 0 et 7 ans, voire même pendant la grossesse de la maman. Donc à partir de là, on va arriver aussi là à trouver les émotions, savoir à quoi elles correspondent, et aider à les débloquer, bien, en revenant avec les petits tapotements, en revenant sur les organes, en revenant sur ces tapotements qui vont libérer les tensions, les blocages. D'ailleurs, il y a de plus en plus de médecine alternative qui tendent à dire déjà que les maux principaux qu'on a viennent de très très tôt, donc de très tôt de l'enfance à la gestation, et que principalement le problème, enfin j'emploie des guillemets que les auditeurs ne voient pas, mais le problème serait surtout émotionnel. Oui, on a Jacques Martel qui est un grand précurseur. Bon, il y en a eu d'autres avant, évidemment. Les Hébreux étaient aussi des grands précurseurs du décodage émotionnel, au niveau du décodage psychobiologique. Le corps ne ment pas, donc quelque part, quand on aura une douleur à un endroit, en sachant l'interpréter, on saura d'où il vient et où il va. Et après, on réussit à régler le problème, à faire que ça aille mieux, qu'on guérisse, parce que ton but à toi, c'est que les gens guérissent et qu'ils aient plus besoin de te voir. Les gens viennent me voir donc, parce que bon, effectivement, ils ont soit des douleurs, donc ça c'est le but du magnétiseur, on va dire au départ, faire des passes magnétiques, faire un petit peu de rebootement entre parenthèses, et puis essayer de comprendre pourquoi la personne a son coude ou son pied qui bloque. Ensuite, quand on arrive au décodage biologique, on va dire, bien là, il faut vraiment être à l'écoute. Déjà, c'est très important, même si c'est que du rebootement ou si c'est qu'une séance de magnétisme, être à l'écoute de la personne, bien écouter ce qu'elle dit et surtout ce qu'elle ne veut pas dire. C'est là le plus facile, en fait, c'est d'écouter ce qu'elle ne veut pas dire. Et à partir de là, on va entamer soit l'aromacologie avec les huiles essentielles, soit travailler en EFT, donc parce qu'il y aura de l'émotionnel derrière, il va falloir débloquer tout ça, parce qu'elle aura des conflits d'enfance qui vont se répéter, on va dire, dans la vie courante, parce que tant que ce problème de l'enfance n'est pas réglé, il va être répétitif dans la vie courante, avec le mari, avec les enfants plus tard, avec le patron, et ainsi de suite. Mince, ça y est, j'ai perdu le fil. Mais si, quand tu parlais d'émotionnel, oui, tu fais aussi une forme de psychologie. J'aime pas le mot psychologique, parce que psychologique, on est sur un décodage c'est du décodage biologique. Ça veut dire que c'est une relation organe-humain, c'est-à-dire mentale. Et donc, pourquoi tu n'aimes pas employer le terme psychologie, même si moi je fais juste des petits parallèles que les éditeurs aient des références, qui voient un petit peu ce que tu fais. Parce que je suis tout simplement magnétiseur, je m'intéresse à beaucoup de choses et en aucun cas je ne suis médecin. Je fais un petit aparté pour préciser que je n'enlève pas les médicaments, je ne modifie pas les structures médicamenteuses données par les docteurs. Je reste dans mon travail de magnétiseur. C'est important de le préciser, hein, que tu ne prétends pas mieux faire que des personnes qui ont fait 10-12 ans d'études, mais que, si j'ai bien compris, tu apportes un complément. Oui, de toute façon, quoi qu'en disent certaines personnes, le magnétisme est un complément par rapport à l'allopathie d'aujourd'hui. Il faut le prendre en compte sérieusement. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hôpitaux qui s'ouvrent justement à cette nouvelle technique ou à ces nouvelles techniques de magnétisme, d'accompagnement. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a encore pas assez d'hôpitaux qui ouvrent leurs portes. Après, on sait que les budgets sont serrés, donc il y a des choix à faire. Oui, en effet, des choix à faire sur les médecines plus traditionnelles ou plus alternatives. Mais on va entrer dans le vif du sujet juste après la pause musicale qu'on s'écoute tout de suite. Un morceau bien-être que Jessica Pierre, si tu m'écoutes, je te passe le bonjour. Donc, morceau bien-être que Jessica m'a donné. Donc, on s'écoute ça et on se retrouve juste après. Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, et vous êtes toujours avec Jean-Paul Burlet et Jean-Paul Burlet, pardon, qui est magnétiseur à Gerbamont. D'ailleurs, on parlera plus tard un petit peu de là où tu te trouves et comment tu travailles concrètement. Et si vous voulez réagir à l'émission, n'hésitez pas une seconde à me contacter via la page Facebook Radio Gamozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. On se fera un plaisir de discuter avec vous. Alors, on l'a vu avant la pause musicale, tu abordes quand même le magnétisme par beaucoup d'angles différents. Et d'ailleurs, tiens, ça y est, maintenant je sais de quoi j'aimerais qu'on parle, parce que en fait, je t'ai rencontré au festival Tattoo La Vida. D'ailleurs, si l'association Tattoo La Vida nous écoute, voilà, on fait un petit coucou. Super. Et en fait, quand je t'ai vu, d'ailleurs, la première chose dont on a parlé, c'est ce qu'il y avait sur ton stand, c'est-à-dire des triskels en bois. Est-ce que ça te dirait qu'on en parle un petit peu ? Oui, on peut en parler un petit peu, évidemment. Les triskels, ben, c'est une forme qui a été créée par les Celtes, par tout ce qui va être peuple qui vivait il y a des centaines d'années. Donc, ces triskels étaient bien souvent gravés sur des boucliers pour gagner la guerre d'un côté, et puis d'un autre côté, pour avoir l'harmonie. C'est-à-dire que le triskel dans un sens et le triskel dans l'autre va donner soit la guerre, soit l'amour. Et lorsqu'un triskel bien positionné va vous donner de l'amour, ça veut dire que ce triskel est une forme géométrique qui va charger de l'eau, qui va apaiser une personne, qui va apaiser un lieu, qui va donner une forme de bien-être. Et dans le sens inverse, ça peut justement apporter tout à fait l'opposé. Ça donne l'opposé, c'est-à-dire que ça va donner la force pour le guerrier qui porte ce triskel sur son bouclier. D'ailleurs, tu dis que c'est d'origine celte, alors bon... Moi, c'est anglo-saxonne, exactement. Les Celtes s'en sont servis après. On va dire que, bon, à l'époque, c'était quand même il y a plusieurs centaines d'années. Et, je crois qu'originellement, c'est effectivement les anglo-saxons. Qui est d'ailleurs, enfin le triskel qui est d'ailleurs encore très présent en Bretagne. Tout à fait. Donc Braise représente. Et oui, et donc tu as dit que dans un sens ou dans un autre, ça apporte différentes énergies. Dans ce cas, si quelqu'un veut avoir un triskel avec lui comme une espèce de talisman, ça peut. Il me semble qu'on avait parlé de collier, que c'était peut-être pas une bonne idée d'en avoir en collier, par exemple. Bah oui, parce que la médaille va tourner. Donc d'un côté, si vous regardez sur les églises, sur les cathédrales, vous avez des triskels qui sont sculptés. Ces triskels ont un sens. Ils ont un sens. Ils ont été faits par des hommes de métier à l'époque, avec des recherches qui était coutume à l'époque, et donc il y a une forme de ce triskel, une orientation des anges en fait, parce que ça représente des anges, et ces anges vont donner l'apaisement à l'intérieur de la bâtisse. Oui. Au même titre qu'on peut poser un triskel chez soi, dans le bon sens évidemment, au milieu de la salle à manger, sur la table, à une dimension respectable, et lui va apporter une harmonie, va neutraliser certaines ondes électromagnétiques, je dis bien certaines parce que il y en a beaucoup, et puis surtout neutraliser des ondes, on va dire, magnétiques, qui viennent du terrain. Et d'ailleurs, si je te pose la question, c'est que forcément j'ai vu des triskels sur ton stand, tu en fabriques et tu en commercialises, c'est ça ? C'est ça, je fabrique des triskels, je les commercialise, oui, quand les gens m'en demandent en réharmonisation de maison, effectivement je propose, après les gens sont libres d'acheter ou de ne pas acheter. Après c'est un petit objet en bois qui paraît insignifiant, mais qui pourtant coupe des ondes de relais. On a fait l'expérience encore avec une personne il n'y a pas longtemps chez moi. Le triskel coupe les rayonnements de relais Nadel. Donc ça c'est, et il n'y a pas de, comment dire, de bois spécifique, il y a juste un sens pour le triskel, mais oui, parce que tu l'es fait en bois. Je l'ai fait en bois, effectivement. Après, bon, on peut le faire en plâtre, on peut le faire en résine, on peut le faire comme on veut. Ce qui importe surtout, c'est la forme. Respecter les dimensions, respecter la forme, au même titre qu'une coquille Saint-Jacques va elle aussi harmoniser par sa forme un lieu ou une personne. Tu m'apprends quelque chose sur les coquilles Saint-Jacques. Moi, je pensais juste que ça se mangeait. Non, mais ça se mange et on garde des coquilles. On arrive à réharmoniser une maison, une personne, une boisson. On peut aussi faire des séries numériques, pour les personnes qui connaissent ces séries numériques de Grabovoi. On peut inscrire ces séries numériques sur l'intérieur de la coquille et poser, évidemment, cette coquille, la partie plate la partie plate avec le petit téton qui sert de raccord avec la coquille où il y a le fruit de mer, orienté au nord. Au même titre qu'on peut servir des coquilles Saint-Jacques, pour mettre dans un pot de fleurs une plante qui était vitalisée, on met le bombé, pareil, la partie droite au nord, le bombé face à la plante, et tout est orienté au nord. Et ça harmonise les énergies, ça apporte encore une fois de bonnes choses. Du bien-être, tout à fait. Ce sont des petites choses qui sont, bah évidemment, on va payer la coquille Saint-Jacques chez le poissonnier, mais on est là pour déguster le fruit, mais si on veut garder les coquilles pour harmoniser la maison, c'est pas cher. Autant faire d'une pierre deux coups. Tout à fait. Donc ça, c'est pour les triskels. Est-ce qu'il y a d'autres objets que tu fabriques ? Ben, à l'heure actuelle, depuis quelques temps, là, je fabrique des pendules de radiesthésie. Donc mes pendules de radiesthésie, ben, effectivement, moi, je me sers de pendules pour travailler, pour harmoniser un organe, pour enlever des tensions, pour faire des recherches radiesthésiques sur des cadrans. Donc là, je fabrique ces pendules. Ces pendules, je les fabrique avec une intention de guérison. Et puis surtout aussi par rapport à tout ce qui va être entité, c'est-à-dire tout ce qui va être maison chargée, donc décharger ces maisons d'âmes errantes, de choses comme ça, voire même de magie noire, puisque au jour d'aujourd'hui, il y a encore autant de magie noire qu'au XVIIIe siècle. Et quand on sait qu'une parole malveillante commence à la magie noire, il y a beaucoup de magie noire enlevée. Je pense qu'on peut parler de la magie noire dans quelques instants parce que ça m'a l'air d'être un gros dossier, quelque chose de très important. Parce que je vois d'ailleurs, pour ceux qui veulent ta carte de visite, hein, elle est disponible dans nos studios, tu fais aussi du dégagement d'entité. Donc je pense que c'est quelque chose de très important dont on pourra parler. Oui, on en reparlera après. Mais je veux juste reparler du pendule parce que c'est vrai que le pendule, hein, je pense que tout le monde connaît le professeur Tournesol avec son pendule. C'est ça. Mais en vrai, à quoi ça sert et comment on s'en sert ? Alors le pendule, c'est le prolongement en fait de notre inconscient, de nos inconscients, parce qu'il y en a plusieurs. C'est-à-dire qu'on a toujours, on a les réponses en nous à nos questions. Et par le biais du pendule, on va avoir une réponse, on va avoir une affirmation ou une négation. Un pendule, on ne lui pose pas de questions, on donne une affirmation et celui-ci va se manifester après l'avoir informé, évidemment, avec un oui, avec un non, ou avec un peut-être ou autre chose. Ce pendule va vous donner un sens de giration, une inclinaison qui va dire oui ou qui va dire non, ou qui va dire peut-être. Les bâtisseurs, il y a une époque, avaient un pendule qu'on appelait le pendule des bâtisseurs. Lui servait à trouver le sens vibratoire du bois, le sens vibratoire de la pierre. C'est-à-dire que aujourd'hui, on met des aglots dans n'importe quel sens, ça n'a pas d'importance, on colle et ça tient debout. Mais on n'est pas bien dedans. Quand les églises ont été construites, quand les cathédrales, quand des maisons ont été faites, les artisans de l'époque travaillaient avec un pendule et il y avait un sens de coupe de la pierre. Donc ils vérifiaient toujours quand ils mettaient des pierres, ils les mettaient bout à bout en fonction de la taille et le pendule permettait de vérifier le sens de la pierre, le sens du bois, la verticalité de l'arbre. Et ça permettait aussi une bonne harmonisation et une bonne circulation des énergies. C'est ce qui faisait effectivement qu'il y avait une bonne harmonisation des énergies. Aujourd'hui, ben, les toitures sont faites avec du bois qui est découpé dans n'importe quel sens, qui est collé dans tous les sens. Et effectivement, on n'a plus cette harmonie qu'il y avait dans les maisons d'antan. Ça n'empêche pas qu'on puisse quand même trouver le moyen de réharmoniser son intérieur et que ça aille mieux chez soi. Voilà, donc par rapport à cette réharmonisation, on l'a vu tout à l'heure, il y a le triskel, il y a d'autres formes, il y a d'autres choses aussi, la coquille Saint-Jacques, bon ça c'est des petites choses basiques qui peuvent servir à réharmoniser. Et d'ailleurs, ça fait même presque, tu vas peut-être me rectifier parce que je parle en profane, mais ça fait presque penser à du feng shui. Le feng shui vient de là aussi, oui. Ah oui, donc... Un art japonais qui date il y a 2000 ans, plus de 2000 ans. Pour la bonne circulation des énergies au sein d'une maison. Un projet que j'ai à faire d'étudier d'ici quelques années. Ah bah tiens, c'est bien. À ma troisième ou quatrième retraite. Donc voilà, un projet, une actualité, parce que tu continues d'apprendre, de te former et de proposer différentes choses qui puissent correspondre, je pense, un panel de personnes le plus vaste possible. On en parlera dans quelques instants, mais surtout, je pense, j'ai envie qu'on parle de magie noire et de dégagement d'entité juste après la pause musicale. Encore toujours du bien-être, comme ce que Jessica Pierre m'avait filé. Donc, on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Yeah. Et vous êtes de retour sur Radio Guémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et quoi de mieux qu'un morceau un petit peu mystique, un petit peu dans les résonances, pour entamer en fait un petit peu ou parler un petit peu de ce dont tu avais parlé un petit peu plus tôt. C'est vrai que tu m'as beaucoup intriguée quand tu as parlé de magie noire. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus à ce sujet ? Bien, la magie noire, c'est tout simplement des paroles, des mauvaises pensées qu'une personne va envoyer vers une autre. Donc, simplement le fait d'avoir de mauvaises paroles envers une personne, ça peut simplement être de la magie noire. Voilà, ça commence tout simplement comme ça, parce que les gens génèrent une mauvaise pensée qui va s'amplifier. Hein. On sait qu'un vol de papillon au Japon crée une tornade aux États-Unis. Donc, quelque part, cette magie noire, ces paroles déplacées, ces paroles méchantes, cette énergie négative va s'amplifier et puis va avoir un impact sur là ou les personnes. Oui, parce que les paroles en soi peuvent avoir énormément d'impact et peuvent faire beaucoup de mal. Des paroles font énormément de mal, surtout quand nous avons des personnes qui sont très sensibles, qui sont affaiblies émotionnellement et puis physiquement aussi. Hein. Donc ça c'est, comme tu l'as dit, de la magie noire. Donc, de la magie noire, oui, pas comme on la voit dans les films, pas comme on l'imagine. Ah ben elle existe aussi, puisqu'on a quand même des gens qui sont spécialisés là-dedans. Donc qui jettent des sorts à distance. Bien sûr, les jeteurs de sorts existent toujours. Et donc, toi, comment tu fais pour permettre aux gens de se libérer de ce genre de magie et d'énergie extrêmement néfaste ? Alors justement, je travaille avec les runes. Hein. Les runes qui ont aussi des origines celtes, parce que la magie noire à l'époque était très courante aussi. Les runes vont permettre de faire des blocages, des barrages. Au même titre qu'on considère qu'un paysan veut le terrain de l'autre paysan, qui veut lui empoisonner ses vaches, et ainsi de suite. Donc il va mettre des protocoles en route qui lui appartiennent. Et avec les runes, on peut arriver à bloquer et à adoucir tout ça. Je pense qu'il faut peut-être un petit peu expliquer aux auditeurs ce que sont des runes, parce que je ne pense pas que ce soit encore très répandu dans la culture occidentale actuelle. Non, c'est pas très répandu, les gens posent beaucoup de questions. Les runes, c'est un alphabet, on va dire, celui que je connais, c'est le Furtark, qui sont bien des dessins que l'on dessine sur des pierres, on peut les dessiner sur des galets, on peut les dessiner sur des morceaux de bois. On commence à en voir de plus en plus dans les salons bien-être. Et ces runes ont effectivement une option de calmer les mauvais jeux. Et donc, toi, tu emploies les runes aussi dans le cadre de la magie noire. Enfin, pas toi qui fais usage de la magie noire, mais pour conjurer le sort. C'est une protection tout simplement que l'on donne à la personne, elle ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est une protection qu'on lui donne et qui va réharmoniser, au même titre que les runes vont servir dans beaucoup d'autres domaines pour trouver un travail, pour aider, dans la mesure où on émet une vibration positive, à accompagner la personne pour un travail, pour une harmonie dans un couple. J'ai déjà eu plusieurs personnes qui avaient des soucis de couple qui sont venues, je leur ai donné les runes correspondantes, ça va nettement mieux. Après, le fait de donner ces runes, il y a peut-être un mouvement, un apaisement, et puis, il y a un apaisement, on va dire que c'est un support en fait qui va aider, qui va accélérer le processus. Accélérer le processus de guérison. Et de mieux être. De mieux être, as raison. On a ça aussi sur les douleurs avec les runes, on peut très bien calmer des douleurs avec les runes. Mais d'ailleurs, dis-moi, je pense à quelque chose, parce que s'il y a quelque chose aussi qui est de la grande mode en ce moment, c'est les tatouages. Et je sais que beaucoup se font des tatouages, on voit beaucoup de tatouages de Bouddha. Est-ce que tu penses, toi, très personnellement, c'est vrai que je te prends au dépourvu, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de se faire tatouer alors, ou un triskel, ou des runes, ou quelque chose comme ça? Sachant que, bon, on est d'accord, ça va rester... pour toujours. Ça reste pour toujours. Il faut savoir aussi qu'au niveau des tatouages, contrairement à ce que certaines personnes disent, il y a des métaux lourds. Donc automatiquement, les métaux lourds vont interagir au niveau du foie, au niveau du système nerveux, au niveau du système parasympathique, et puis il va y avoir des désordres. Après, on a une culture, on est au 21e siècle, on a une culture, on va dire c'est l'Église, c'est une chose, certains, il y a des adeptes, il n'y a pas. Moi, Bouddha, je le laisse à Bouddha, là-bas, du côté de l'Inde. Après, effectivement, on peut se faire graver un triskel, mais à condition de le mettre dans le bon sens. Oui, bien sûr, et pareil pour les runes. Les runes, les porter. Après, une fois qu'une rune a fait son effet, une fois que la situation est régularisée, on va dire que l'harmonie est revenue, les runes, on les brûle. Ah d'accord, on les garde pas. On dit toujours merci et on brûle. Donc, ne pas se faire tatouer des runes. Je le déconseillerais. Et d'ailleurs, il y a aussi autre chose, comme on en avait parlé, vu qu'on est toujours dans la catégorie un petit peu magie noire, tu m'as quand même rectifié, tu as bien fait hors antenne, hors micro. Vu qu'on avait parlé aussi de dégagement d'entité, tu m'as dit que ce sont deux choses tout à fait distinctes. Pourtant, c'est quelque chose sur ta carte de visite qui saute un petit peu aux yeux. Alors, qu'est-ce que tu peux dire au sujet du dégagement d'entité? Et pourquoi ce n'est pas la même chose que la catégorie magie noire? La magie noire, c'est quelqu'un qui va la provoquer, c'est de la méchanceté par rapport à l'autre. Une entité, si on part sur une entité, si on part sur un terrain qui va être chargé d'entités, entre parenthèses, on va être sur un terrain qui est là depuis des millions d'années, et sur ce terrain, ces emplacements, il y a eu des guerres. Donc il y a eu des guerres, il y a eu de la méchanceté, il y a eu des tueries, il y a eu des meurtres, il y a eu des viols, et bien souvent, les âmes... tout le monde sait qu'on a un corps physique, on a un esprit, on a une âme, et ces âmes ne savent pas qu'elles sont mortes ou elles ont été traumatisées, et ces âmes sont là en errance en fait. Et donc le but du passeur d'âme en fait, ça va être entre autres d'accompagner ces âmes à monter vers un autre plan, c'est-à-dire les aider à quitter la terre pour aller là où elles doivent aller. Après, ça ne fait pas encore partie de mes études bien spécifiques là-dessus, mais une âme doit monter dans l'univers pour continuer son chemin. D'ailleurs, il y a suffisamment de médiums dans la région qui aident à rentrer en contact avec ces âmes défuntes évidemment, pour savoir où elles en sont, comment elles vivent, comment ça se passe là-haut, quoi. Donc en fait, en gros aussi, vu que tu as parlé de lieux... de lieux où il y a eu des guerres, des conflits très graves, et d'ailleurs je me souviens de l'émission que j'ai fait avec Julien et JP sur le débat des hauts, où je crois dans un cimetière militaire ils sont tombés nez à nez avec une dame blanche. Donc une dame blanche serait aussi une âme qui n'a pas encore réussi à monter. C'est ça, je viens d'avoir des frissons. Quand j'ai parlé de Dame Blanche. C'est ça. Et je pense qu'il y a certainement d'autres auditeurs qui ont dû en avoir, des gens qui perçoivent. Après, vous allez construire une maison sur un terrain qui vous plaît, vous êtes bien, vous êtes au bord de la mer, vous êtes dans la montagne, vous êtes au milieu des sapins, c'est superbe. Et dans cette maison, il va y avoir du mal-être. il va y avoir du mal-être pour diverses raisons, y compris particulièrement parce que cet endroit, bah, il y a eu des massacres, il y a eu la guerre de 14, surtout dans les Vosges, il y a eu celle d'avant, il y a eu celle de 40, et eh bien, une personne qui prend une balle en plein cœur, qui est tuée sur place, bah, ne sait pas qu'elle est décédée. Donc quelque part, le corps physique, lui, bah, il va partir en poussière, évidemment, mais l'âme, par contre, elle erre. Donc elle erre et elle va se manifester, soit dans une maison, soit sur le lieu. Il y a des endroits où on va se sentir mal à l'aise, on va avoir des frissons. Après, tout est histoire de perception. Donc par rapport à ces perceptions, eh bien, on va pas se sentir tout seul. On va dire, tiens, il y a quelqu'un qui me regarde, ou il y a quelqu'un qui me gêne, ça me dérange, j'arrive pas à respirer, j'ai froid. Il y a plein de petites manifestations qui vont se faire comme ça, au fur et à mesure, au fil du temps. Et c'est là qu'on va être en perception d'entités qui vont être, entre parenthèses, à accompagner. Y compris dans les maisons, les poltergeists, toutes ces choses-là, bien, ce sont des âmes qui sont en souffrance de devoir monter, de vouloir monter, et qui se manifestent gentiment au début. Hein, on fait tomber un cadre, on fait un petit bruit, par exemple. Et puis après, ben, le temps dure, il ne se passe rien, elles se manifestent, elles deviennent méchantes. Donc c'est là qu'on fait intervenir, entre parenthèses, le désenvoûteur. Tu me décris presque des scénarios possibles de films d'horreur qu'on peut voir. Je ne les regarde pas. Non, mais c'est vrai que ça fait beaucoup penser à, je sais pas, Conjuring, Annabelle et tout ce qui va avec. Enfin, non, je regarde pas ce genre de film. Tu fais bien. Je suis dans la réalité un peu assez souvent et non. Mais ça me fait pas peur. Mais ça n'empêche pas que oui, en effet, ce genre de cas existe vraiment. C'est pas juste derrière les caméras et que après, c'est pas forcément aussi spectaculaire qu'au cinéma, mais non. Qu'il faut intervenir. Après, bon, il y a des régions où, effectivement, il y a des murs qui saignent, il y a des planchers qui se fendent, il y a des manifestations occultes qui sont terribles. Bon, moi, j'en ai jamais vu. Bah, c'est pas une mauvaise chose, mais bon, si jamais tu en vois, tu peux toujours nous faire signe et en témoigner à l'antenne avec plaisir. Tout à fait, avec plaisir. Qu'on ouvre un petit peu, comment dire, notre perception du monde, parce que le monde, en fait, bah, toi, tu le prouves bien avec ton art, ne se limite pas qu'à ce qu'on voit. Ah bah il y a tout ce qui est occulte, c'est le noir, hein. On a le soleil et la nuit, on a le blanc et le noir, on a l'occulte et puis le vivant. Donc il faut savoir aussi que certaines personnes sont mal chez elles, parce que comme je disais tout à l'heure, bah, on a l'impression d'être suivi, on a l'impression qu'il y a quelqu'un, il y a des bruits bizarres, les enfants sont énervés, on va être surtendu. Bon, il y a les charges électromagnétiques qui sont très importantes aussi, qui sont là, qui sont néfastes, mais il y a aussi ces symboles, ces signes de l'au-delà qui viennent bah, nous perturber, pour nous faire comprendre que ben, on n'est pas tout seul, il faut accompagner. Et c'est là que des dégageurs interviennent et nettoient les lieux, donc ça c'est parmi les nombreuses choses que tu sais faire, et d'ailleurs on en avait parlé aussi. Hein, que je m'efforce de faire. Que tu t'efforces de faire, en effet. Mais il y en a d'autres que tu sais faire, ça c'est sûr, oui. Et entre autres le travail avec les huiles essentielles. Alors moi je travaille avec les fragrances des huiles essentielles, c'est-à-dire les odeurs. C'est-à-dire que lorsqu'une cliente a des traumas bien particuliers, suite à évidemment la petite anamnèse de départ et puis regarder la personne, être sensible à ses mimiques, à son comportement, à ses larmes ou d'autres choses, ou alors à sa rigidité. Donc là je vais travailler avec les fragrances des huiles essentielles. Bon, chez moi j'ai une centaine d'huiles, je ne les ai pas toutes, et en fonction de ce qu'elle va me dire, en fonction de mon ressenti, je vais en choisir quelques-unes avec mon pendule, entre parenthèses, qui travaille très bien. Puisque lui, le pendule, a la réponse des huiles qu'il faut pour la personne. Oui. Que moi, bah, je suis devant le fait accompli une fois que le travail est fait. Donc je vais définir 5, 7, 8, 8 une dizaine d'huiles essentielles maximum par rapport à ce que cette personne a évacué. Et je vais lui faire sentir ces huiles essentielles, les fragrances, les odeurs. Et au début, bah, il ne se passe rien, ou alors ça démarre tout de suite, ça dépend des gens. Hein, soit ils sont bloqués et puis ils ne lâcheront rien. Donc là, bah, comme on dit toujours, le magnétiseur, il amène 60% de tout ce qu'il peut apporter. Les 40% restants appartiennent à la personne. Le guérisseur, c'est la personne. Le travail avec l'huile bah, va activer au niveau des cerveaux, au niveau de l'inconscient, des inconscients. Et puis, ces odeurs vont rappeler bien des souvenirs, bien souvent des souvenirs de l'enfance. En général, quand les personnes viennent, bah, c'est toujours la grand-mère. Enfin, dans les Vosges, c'est la grand-mère, je ne sais pas pourquoi. C'est la grand-mère, le tablier, c'est les odeurs de cuisine, c'est les odeurs... Ou alors c'est la grange, c'est le poulailler, c'est... Pour répéter certaines paroles qu'on m'a données. Ou alors ça sent le sapin, évidemment, puisque là on est dans les sapins. C'est la balade avec le grand-père dans les sapins, et puis l'odeur de la terre. Donc effectivement, il y a des huiles essentielles qui sentent la terre, il y a des huiles essentielles qui sentent le sapin, il y a des huiles essentielles qui sentent la rose. Et la question suivante que je pose à la personne, c'est savoir où va cette huile essentielle. Qu'est-ce qu'elle ressent dans son corps par rapport à cette huile essentielle, par rapport à cette odeur? Où est-ce qu'elle descend, cette odeur? Bien souvent, ça descend dans les jambes, ça va monter au niveau de la gorge, ça va aller au niveau du bassin. Ou alors, l'huile essentielle va détendre le bassin. Il y a des tensions au niveau du dos, ils viennent parce qu'ils ont mal au dos. Donc je vais faire sentir des huiles essentielles et, j'ai plus de douleur. Donc automatiquement, ces huiles essentielles vont apporter un apaisement, vont calmer des tensions. Oui. Et après, résoudre des nœuds émotionnels. Après, effectivement, il y a les nœuds émotionnels qui vont partir sous forme de larmes. Et puis, un apaisement. On voit la personne qui va souffler, mais inconsciemment. Elle va se détendre, elle va partir en live, toute seule. C'est-à-dire ? Sans qu'on lui demande. Ah, et après, elle va parler ou elle va réussir. Si vous voulez, l'huile essentielle a touché le noyau dur et va faire son travail de détente. Donc, à partir du moment où on voit la personne qui va commencer à souffler ou qui va pleurer, on va dire on est sur la bonne huile. Et là, on continue. Et là, donc, j'ai l'avantage d'avoir appris l'EFT, donc les techniques de tapotement. Et en même temps que je fais sentir les huiles essentielles, avec mes deux mains, je me débrouille comme je peux, mais je fais mes tapotements. Et puis, la personne va continuer de parler et va continuer de libérer. Jusqu'à la libération complète de tous ces mots. Elle va lâcher pendant une séance, deux séances, voire trois séances. Entre deux, j'invite la personne à acheter l'huile essentielle dans un magasin bio, évidemment, parce que l'huile essentielle, on la respire, donc c'est pas la peine de respirer des allergènes ou des choses comme ça. Et puis, le travail va se faire tout doucement. La personne chez elle, au bout d'un mois, deux mois, trois mois, maximum, on va dire six mois par rapport à des gros traumas. Trop de traumas, c'est des conflits de couple, c'est des coups de couteau, c'est de la tuerie, quoi. Tu m'as perdu, là, avec les coups de couteau. Mais il y a des gens qui sont sous la soumission de... Il y a des femmes qui sont sous la soumission de l'homme. Ah, tu parles de violence conjugale. De violence conjugale, des coups. Une femme n'a pas le courage, on va dire, entre parenthèses, de sauver, de partir, parce qu'elle sait que son mari risque de la rattraper ou de continuer de frapper. Après, c'est un thème très compliqué à aborder. C'est très compliqué, ça mérite un autre débat. Je pense aussi. Mais disons que l'huile essentielle va arriver à détendre la personne, à lui faire comprendre, à reprendre sa liberté, à reprendre son autonomie, à sortir de la dépendance. Ah, et ça, c'est une bonne chose pour avoir une vie plus saine et aussi pour être plus sain au niveau de son entourage. C'est ça. Je vais te proposer qu'on s'écoute un dernier morceau, même si le temps va finir par nous manquer, mais un dernier morceau encore dans la détente et on se retrouve juste après. Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107 FM, toujours l'émission, toujours l'heure des loups. Et comme d'habitude, si vous voulez réagir comme d'habitude, page Facebook Radio Gamozo ou téléphone 03 29 62 40 40. On est toujours avec Jean-Paul Burlet, magnétiseur. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être le moment de résumer aux auditeurs quels sont les différents types de soins que tu prodigues, on va dire ça comme ça. Type de soin, ça va être donc, comme je l'ai proposé tout à l'heure, un biodécodage, voir un peu la relation entre les organes et puis le côté émotionnel. Ensuite, travailler avec mes mains, avec l'imposition des mains, avec des passes magnétiques, avec l'acupression, donc pour détendre ou stimuler les organes qui sont en faiblesse, les mains aussi. Travailler avec le pendule, évidemment, pour enlever tout ce qui va être négatif, tout ce qui va être polluant, entre parenthèses. Et puis ensuite, bien les huiles essentielles, si c'est nécessaire, au niveau des fragrances, comme on vient d'en parler, parce que c'est quelque chose qui va vous laisser reprendre votre autonomie, en fait. Oui, parce que l'autonomie, c'est quelque chose d'important. L'autonomie, la liberté de soi et de sa vie, de son corps. C'est ça. Donc ça, c'est pour les différents types de soins que tu donnes. Et d'ailleurs, avant qu'on parle des formations que tu prodigues, j'aimerais peut-être qu'on dise aux auditeurs où tu te trouves et à peu près combien coûtent tes prestations, qu'ils se fassent un petit peu une idée de ce que tu proposes. Alors moi, j'habite au-dessus de Gerbamont, c'est-à-dire on est à Miremont, direction Vanier, on va monter sur Gerbamont. De Vanier, on peut prendre bien direction la Bresse, c'est sur les hauteurs, au-dessus de Planois pratiquement. C'est l'endroit où je suis est situé à mi-chemin entre Planois et puis Gerbamont, plus facile d'accès, on va dire, par Planois. Ensuite, pourquoi j'ai choisi cet endroit ? Parce que quand je suis arrivé, j'ai flashé sur cet endroit. C'est une ferme, il n'y a pas de maison autour, il n'y a pas de pylône électrique, il y a un relais évidemment qui est un petit peu plus loin. Mais c'est un endroit qui est vibratoirement très fort. Donc quelque part, je fais mon travail et je vais dans la forêt qui est juste derrière. Je m'y recharge régulièrement. Je vais rechercher des énergies nouvelles et surtout évacuer tout le négatif que la clientèle amène. Au niveau du tarif, je démarre à 40 euros pour une demi-heure, on va dire. Une demi-heure, même si c'est 45 minutes, c'est pas un problème. Après, à partir du moment où je dois travailler avec des huiles essentielles, avec des supports qui sont différents, je demande 60 euros. Et ça se situe au niveau temps entre 1h et 1h30. Il m'arrive même des fois de faire 2h, sans supplément. Oui, donc ça c'est pour les soins que tu prodigues. D'ailleurs, je pense que pour ceux qui veulent plus d'informations, c'est sur ton site internet www.magnétiseur-du6vauche.com qui sera indiqué en podcast qui sera indiqué avec le podcast de l'émission. Mais tu as dit aussi un petit peu plus tôt, ou tu m'as dit hors antenne, que tu proposais des formations aussi. Donc il y a ceux qui veulent être soignés et ceux qui veulent être formés. Qu'est-ce que tu proposes comme formation ? Alors, je vais enlever le mot formation, on va dire. Je préférerais le mot initiation. Parce que formation, je peux faire des formations, c'est une procédure qui est tout à fait différente. Je préfère laisser le mot initiation parce que c'est ce que moi j'apporte. C'est pas écrit dans les livres, c'est pas écrit... c'est des choses que je fais depuis plus de 10 ans. Et c'est une technique qui s'avère être, entre parenthèses, efficace. Évidemment, il y a toujours des échecs, il y a toujours quelques petites mésaventures, il y a toujours des personnes sur qui ça ne marche pas, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on amène 60%, que ce soit moi ou que ce soit un autre magnétiseur, et il y a toujours les 40% qui restent à la personne. Et si cette personne ne fait pas le nécessaire pour changer ses habitudes de vie, pour son hygiène de vie, effectivement, la séance, elle est un petit peu ratée. Donc au niveau des initiations, déjà, le magnétisme, qu'est-ce que c'est ? Comment le sentir ? Comment le développer ? On en a tous, plus ou moins. Comment le développer ? Et comment il se manifeste ? Et comment l'appliquer sur la personne ? Et puis, ressentir aussi. Et puis ensuite, ce que je propose, c'est des initiations pendules, parce que j'en fabrique, et puis... les quelques personnes qui m'en achètent sont très contentes du matériel que je réalise et qu'ils m'achètent et pour s'en servir. Donc le pendule, c'est pareil, c'est tout un art, c'est une technique. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait des formations ailleurs, qui sont venus chez moi. Je ne vais pas parler de mon ego va être démesuré, mais par rapport à ce que je leur ai appris, ils m'ont dit on n'a pas du tout appris ça et c'est vraiment pas ce qu'il nous fallait parce que ce que tu viens de nous apprendre, c'est vraiment le top. N'oublions pas que le pendule, c'est le prolongement de l'inconscient, des inconscients, du mental. On a toutes les réponses en nous. Et ça, c'est pas écrit dans un bouquin. Non, en effet, c'est pas écrit dans un bouquin, comme tu l'as si bien dit, parce qu'après tout, de nos jours, en tout cas en Europe, on passe beaucoup par les médecines traditionnelles et pas par les ressentis et par le fait que la personne a la capacité de se soigner elle-même. Et comme tu effectivement, l'as dit. Les gens ont le droit de se soigner comme ils veulent, que ce soit pour un cancer. J'accompagne aussi des personnes avec des cancers. J'ai eu des échecs aussi parce que peut-être pris trop tard, parce que la personne voulait partir de toute façon. Et puis, je répète qu'en aucun cas je ne modifie les médicaments de la médecine. J'apporte pour ceux qui le souhaitent des compléments alimentaires. Je travaille avec un laboratoire depuis 12 ans maintenant, qui font d'excellents compléments alimentaires naturels et qui sont efficaces. Mais qui viennent toujours pareil en complément du médicament. Et après c'est au choix elle-même de la personne seule d'assumer ce qu'elle veut ou ce qu'elle veut pas. Oui, donc la décision revient à la personne. Toi, tu n'es pas là pour imposer, tu n'es là que pour proposer. Ah, moi, je propose, je n'impose rien du tout. Donc ça, c'est pour ce que tu fais. D'ailleurs, je pense que le temps va déjà malheureusement nous manquer pour traiter tout le reste des questions que j'avais préparées. Mais dans tous les cas, si quelqu'un veut en savoir plus sur toi, il ne faut pas hésiter, je pense, à te contacter. Alors, déjà via ton site, hein, www.magnétiseur-vauge.com. Mm-hmm. Oui, on peut transmettre ton adresse mail aussi. On peut transmettre l'adresse mail. Il y a Facebook, c'est JP Burlet, JP, B-U-R-L-E-T, Burlet. Et de toute façon, tu as été tagué pour l'annonce de l'émission. Tu seras retagué sur la page Facebook, bien sûr, avec le podcast. Mm-hmm. Comme je disais, donc, ton adresse mail, c'est l'essence, donc tout collé, LE2SENCE-6CIEL1@orange.fr. Et est-ce qu'on transmet aussi ton numéro de téléphone? Non, on peut le donner, il n'y a pas de souci. Oui. Donc c'est le 06 84 47 19 98. Donc je répète, 06 84 47 19 98 pour en savoir plus sur toi, pour trouver le moyen de te contacter et pour peut-être savoir s'il y a une forme de soin qui pourrait convenir à la personne qui fait appel à toi. Enfin, oui, tout voilà. À fait. L'appel, moi, de toute façon, la première question que je pose, qu'est-ce que vous souhaitez que je vous propose ? Après, je fais aussi du travail à distance, donc pareil sur des ondes de forme, mais là, on n'a plus trop le temps d'en parler. Non, malheureusement. Donc, je travaille à distance aussi sur des photos et puis toujours pareil avec mon petit pendule. Et voilà, pour ceux qui ont peut-être envie d'aller fouiner, comme je l'ai dit, le site internet sera à votre disposition sans aucun souci. Mais malheureusement, vous en doutez bien, ça va déjà être le moment de se dire au revoir. Et qui dit moment de se dire au revoir, dit déjà générique qui débute. Donc avant de se dire au revoir, Jean-Paul, ça va être comme d'habitude le moment de faire la programmation de la soirée. Merci Lou, au revoir et merci à vous de votre écoute. Deux secondes Jean-Paul, j'ai pas fini. Donc à 20h, on retrouvera François pour son émission Le calendrier des esclavages et des libérations. Et de minuit à 1h, vous aurez l'IA pour sa bulle du lundi midi qui sera rediffusée. Je crois que c'était sur la chrysothérapie, si je ne me trompe pas. Sinon, on se retrouvera demain matin 7h, 8h pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Et pour ceux qui n'ont pas la patience d'attendre demain matin, elle sera bien entendu en podcast courant de la soirée sur notre site internet radioguemouzo.eu, rubrique émission et rediffusion, puis l'heure des loups. Ou sinon, sur notre page Facebook. Comme je le disais plus tôt, ton profil Facebook, ta page Facebook ou ton site internet, tout ce qui est possible sera indiqué alors ou sur le site internet ou sur Facebook ou sur les deux si j'y arrive. Mais bon, dans tous les cas, les auditeurs auront toutes les clés en main pour te retrouver via internet. Comme demain, ce sera mardi, juste après la rediffusion de mon émission, on retrouvera Lia pour son émission, ou pour sa chronique, pardon, Minute Bonheur. Et enfin, la matinale de Marion à 8h30 qui vous racontera le programme de la journée de demain matin et de la journée de demain tout court. Sinon, on se retrouvera demain soir 18h, 19h comme d'habitude pour en savoir plus sur RMK qui est un musicien des studios Airplay que j'ai d'ailleurs reçu pour la journée porte ouverte. Très dans le reggae, très dans le bonheur, on en parlera demain et qui d'ailleurs est parti, alors je crois dans un pays d'Afrique avec une association, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il viendra nous parler de son projet et de son vécu. Donc pour en savoir plus, rendez-vous demain 18h sur le 107. En attendant, Jean-Paul, j'étais très contente de faire cette émission avec toi pour en savoir plus sur toi, même si je vois que on a fait, je pense, qu'effleurer ton travail. Effleurer. Bah, c'est ça, hein, l'heure des loups, c'est une heure et une heure. La majeure partie du temps, ça suffit pas, mais ça n'empêche pas de présenter quand même une bonne base pour les auditeurs qu'ils en sachent un petit peu plus sur toi. Et j'étais très contente de faire cette émission avec toi et je te souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite pour la suite. Moi également. Merci Lou. Et merci aussi aux auditeurs d'avoir suivi l'émission. Donc on se retrouve demain, même heure, sur le 107. Bonne soirée à tous.